Présentation ce soir du UFC 256. Évidemment, on a enregistré le podcast samedi après-midi avec notre spécialiste Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny! Claude, évidemment, tu me dis avant de rentrer en onde, c'est un ce qu'on pourrait dire un UFC moyen. C'est figure. C'est le gros combat, évidemment, la finale ce soir, c'est Figueroa, c'est ça? Ouais, Figueiredo, en tout cas, c'est embêtant à dire. Oui. Oui, écoute, c'est un bon UFC quand même, là. C'est pas un gros avec une grosse tête d'affiche de la mort comme McGregor ou enfin, pas. Puisque là, c'est une finale chez les 125 livres, c'est juste c'est une catégorie qui est un petit peu moins populaire, les petits bonhommes. Mais quand même, écoute, Figueiredo, là, c'est toute une machine. Surtout à cette grosseur-là, ça va vite, c'est ça qui est le fun. C'est lui qui remplace Mighty Mouse, si on veut. Il est sur une bonne lancée, plusieurs victoires de fil. Ça fait déjà une couple de fois qu'il défend son titre. Ce soir, il va le faire contre Brandon Moreno, qui est lui aussi sur une très bonne lancée, 6-7 victoires de fil. Là. Puis c'est un gars qui est quand même 18 victoires, 5 défaites. Ça va être un bon combat. Puis ce qui est le fun avec les petits bonhommes, c'est qu'ils sont complets. D'habitude, ils sont bons partout, ils sont rapides partout. Il y a moins de chaos un petit peu. Mais c'est tout le temps beau à voir aller. Donc, tu y vas dans ce combat-là? Écoute, je pense pas que Moreno ait ce qu'il faut pour battre Figueiredo. D'après moi, il va être là pour un bon bout de temps chez les 125 livres, là, malgré que ça peut changer. Je suis pas un expert dans les prédictions, sinon je serais riche. Ouais. Mais d'après moi, le champion va rester champion ce soir. OK. Ensuite, des combats. Quelle allure? Ben, il y en a quelques bons autres. Écoute, il y a Tony Ferguson qu'on connaît très bien qui a perdu il n'y a pas longtemps contre Justin Gaethje pour la ceinture des 155 livres. Puis, il sort pas ce soir, justement, contre Charles Oliveira, qui lui aussi est sur une lancée, là. Je pense que c'est la dernière fois qu'il a perdu, c'est ça remonte à 6-7 combats, là. Ça remonte en 2017. Donc, il n'a pas perdu depuis 2017. Fait que c'est une bonne lancée, c'est un des top contenders aussi. Encore une fois, c'est pour probablement que le gagnant de ces deux-là va avoir une chance pour la ceinture. Je sais qu'Oliveira s'est jamais battu pour la ceinture, mais probablement que ça va être sa chance, là, s'il gagne cette fois-là. D'ici un combo ou deux, d'après moi, il devrait avoir un combat de championnat. Mais on ne sait pas trop avec Khabib, on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Ben, c'est sûr. Donc là, ça laisse un petit peu les affaires en suspens. Dana White a l'air convaincu que Khabib a fait ça un peu sur un coup de tête, là, sur l'émotion. Ils l'ont même pas enlevé encore vraiment dans les classements. Moi, je pense que c'est... En tout cas, j'ai hâte d'avoir, parce qu'il a une grosse tête. Hein, Khabib, quand il dit quelque chose d'habitude, il maintient, mais on verra. Puis pour les autres combats, ben c'est plus... écoute, l'autre combat qui serait plus intéressant pour nous autres, c'est Cyril Gagné qui s'est battu ici au Québec, qui a commencé sa carrière au Québec en même temps, qui s'est entraîné ici aussi avec TKO. Puis ce soir, ben il va pogner, écoute, c'est un gros poids lourd, hein, Cyril Gagné, là, c'est vraiment dans la mode des gros poids lourds musclés, là, puis il fait la limite de poids 265 livres, il fait 6-5, le gars. Il a 30 ans, il est dans son prime, c'est un gars qui vient du point-pied. Puis écoute, il y a des victoires à venir jusqu'à maintenant. Il y a 6 victoires, aucune défaite. Pour la première fois son dernier combat, il a fait la distance, donc il était pas content de ça. C'est toute une machine. Puis ce soir, il va avoir tout que test. Écoute, il se prend contre Junior de Santos qui a déjà été champion du monde. On se rappelle ses guerres contre King Velasquez là, plusieurs années. Mais par contre, on se comptera pas de peu, Junior il est en descendant. Il est plus à son top, mais c'est quand même et de loin le plus gros test là, que Cyril va avoir eu dans sa carrière. Fait que moi, c'est quasiment le combat le plus fun pour asseoir, tu vois, pour moi, parce qu'on le connaît, le petit gars, là. Il a commencé ici, on a déjà été sur les mêmes cartes que lui. Ça fait que c'est le fun. C'est le fun pour ça. OK. Claude, on s'en parle dans le temps des fêtes, évidemment, pour la rétrospective de l'année, comme on fait habituellement dans le cadre des UFC. C'est bien parfait, Danny. Notre ami Claude Perron qui nous parlait du UFC 256 qui a lieu ce soir.